vis mal la distance entre nous. Je n'ai pas la force de lutter contre mes mauvaises pensées. Et j'ai beau essayer de me raisonner, j'espère vite te retrouver. Reviens.